Pendant que nos outils languissent au fond des cabanons et voudraient nous entendre sacrer. Tabarnak! Pendant que nos autos croupissent à moins 40 au fond du garage, crient au secours, c'est aha. Nous on passe Noël en bedaine, les poches pleines, à l'abri dans un motel quétaine. On se chauffe la graine en compagnie de Margarita et son ami la tourista. Pendant que notre bon d'huile à chauffage pleure de ne plus pouvoir nous fourrer. Pendant que nos décorations de Noël croupissent au fond du sous-sol et ne peuvent plus bouffer notre électricité. Nous on passe Noël en bedaine, les poches pleines, à l'abri dans un motel quétaine. On se chauffe la graine, quel beau voyage acheté sur internet, dans un pays où il n'y a pas de toilettes. Vamos, vamos, amigos, tatanguinos, necesitos sus dineros, ustedes van a comprar el sol, con una grosse main. S'ennuie de nous voir lire leurs conneries et d'y croire. Pendant que nos télés pleurent notre absence parce qu'elles ne peuvent plus nous servir l'habituel réchauffé. Nous on passe Noël en bedaine, encore une fois les poches pleines, à l'abri dans un motel quétaine. Et on se chauffe la graine, on fait toutes les manœuvres de réanimation à quelques-uns de nos vieux morons. On boit de la boisson avec des glaçons, et ça nous aide à mieux faire les cons dans nos beaux permis.